bientôt sortent, c'est que c'est bientôt l'été. 250 cc, de quoi oublier un instant que le quartier est rongé par le chômage, le stress et l'anxiété. On sait pas ce que c'est qu'être heureux, aveuglé par l'amour. Dis-moi qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le reflet de mes deux yeux. On était jeunes et on savait rien, maintenant on réalise que c't'aimait comme ça. Aujourd'hui t'es harcelé, entre ta banque et plus Pôle emploi. Majeur en l'air, tu refais la société, avant de t'endormir dans un bus de nuit. Le corps qui gratte, auberge de jeunesse, tu te réveilles avec des bus de lit. J'endouille dans un parc, un livre dans la main, ça s'engueule dans l'appart. Tu rentres au petit matin, ça attraque dans un bar, ça mat Paris Barça. Époque remontada, avec un pote sous la pluie, faut que je m'abrite. Il me dit que sa veste coûte le prix d'un Magritte. Les deux en vrai c'est surréaliste, la richesse on idéalise. Éliminé par un feu d'artifice, le ciel va briller pour les gens les plus tristes. Toi et moi c'est pareil, oui j'ai le ciel avec moi. Tempête et solitude quand je me mets à prier. Éternité, éternité, sous un feu d'artifice, je vois les étoiles s'allumer. Le ciel est vivant, le ciel est vivant, le ciel est en vie. Le ciel est en vie. L'alcool réchauffe la gorge, quand le soir les étoiles s'allument plus. Si cette pote posée dans le square, on va rien jusqu'à ce que ça nous tue. Et le lendemain tu rêves d'arracher le monde, avec un CV, un couteau papillon. Tu marches seul, la musique comme unique compagnon. Pas de frère pour ton trajet, c'est tragique. Pas de fun avec la patrie mais naïf. Tu te mets à rêver à la fenêtre d'un bus, que ça tombe du ciel, que t'encaisses la thune. J'lis des auteurs qu'aurais jamais pensé que je m'intéresserais à eux, et sûrement que la misère est plus belle sous le soleil de mes aïeux. Éliminé par un feu d'artifice, le ciel va briller pour les gens les plus tristes. Toi et moi c'est pareil, oui j'ai le ciel avec moi. Tempête et solitude quand je me mets à prier. Éternité, éternité, sous un feu d'artifice.